Why don't you Thank you.

Thank you. We'll be right back.

Jérôme, t'as une idée? Dis-moi, parce que là, mon cerveau, il est off. Bon, il est off, mais si je le force, il va trouver quelque chose. Mais là, il est off, là. Je préfère que vous lidez le truc, là, que moi, je ne lide le truc. Jérôme, question, là j'en profite, là j'ai la flemme d'écrire. Est-ce que t'as pu essayer l'application de Bernard là, le sort de vidéo synchronisation avec Jamtaba là? T'as tout à l'heure, je sais pas si t'as remarqué, il est venu tout à l'heure sur notre forum là, et il voulait qu'on fasse une vidéo synchro caméra avec le DJ là des Pays-Bas qui s'appelle Seb. Mais bon, j'étais pas motivé ce matin. J'étais pas motivé ce matin pour moi ici. Vas-y, plus tard, plus tard. Mais le mec il va nous relancer de toute façon. Tu devrais essayer, c'est vraiment pas malin. En fait, t'as l'impression, parce que en fait, il utilise le même principe que Jamtaba, mais t'as l'impression que tu joues en synchro. Tu vois, il est face à moi à la caméra quand il part.